Jeudi 25 septembre 2008, Miette. Suis-je en train de devenir un abruti? Permets-moi, dit-elle, de ne pas te donner une réponse. Stade métaphysique platonicien dans la divination afro. Américaine, c'est par le regard du regard même exercice idéaliste que l'on avance l'oracle, du moins à la Santeria spirit que j'ai pu connaître. Interstellar Overdrive, il suffit d'ouvrir la parole. Quand on considère que le Soleil est notre étoile, Stella Nostra, un nouveau complexe s'annonce, l'extase devient frivole et seule l'ivresse semble bienséante. On m'annonce que je suis rétor, le goût de la toile a besoin de palais pour les contradictoires et pour autant elle reste l'école des courtoisies du solitaire. La politesse s'achète à la petite monnaie, l'exaltation est publicitaire, l'ironie est l'alibi du médiocre. Divination par l'ami de pain, un bon prétexte pour toucher ton genou. La maladie, en tant que comble de la coquetterie, quand elle accomplit la tâche de la dissuasion stratégique du non satisfait, ou bien la verrue comme un aveu, comme une promesse ferme, ce n'est pas la maladie du mourant, quitte à être un suicidaire. Le suicide vend sa dernière parole trop bon marché. L'artiste suicidaire a autant de public que les soldes. Voici la vulgarité de Leonardo. Encore la maladie. Elle est la raison de mon style. Le Christ, trop emprise au dernier état d'âme, s'était pensé pas tour de beau tour et c'était des pélicans. Pour qui me tient pour ennemi, m'a pour maître. Je cherche une explication magnétique et la boussole menteuse signale mon cœur malade. Miette de biscotte. Biscotte, quel jardin verdoyant et fleuri que ceux des cimetières, qu'on les chante, qu'on pleure, des joies sur l'histoire et son ingénue végétation. Et si l'univers était carré, ou du moins rectangulaire, avec quelque chose d'une boîte à sardines, ça donne envie de sortir, faire un tour, nous serons des nouveaux moines. Et non, les malheureux, épris d'une joie assommante, cherchent des champignons bizarres sur les tombes. Que cherchent les gendarmes dans les jardins? Une clé? Heureux s'ils trouvent la racine d'un arbre sec qui pousse et pousse. La cuite d'hier est déjà passée. Avec la philosophie qui reste dans les placards, je vous sors quelques biscottes. Quelle revanche sur les danseurs de réveillon à la télé, quel délire. Les écrivains sur un écran. On peut abhorrer toute bibliothèque métaphysique. Quelle revanche? Quelle revanche sur les danseurs des réveillons à la télé, que de lire les écrivains sur un écran qu'on peut abhorrer toute bibliothèque physique en ont enlevé tout Paris éclairé sur sa table et que c'est instantané comme le Nescafé.